On va parler de l'alignation de hockey avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, il reste à peu près un match au Canadien. C'était une longue saison. D'abord, quelle équipe que tu vas suivre? Moi, c'est sûr, c'est les Penguins de Pittsburgh qui m'intéressent le plus parce que c'est ma deuxième équipe. C'est pas parce qu'ils ont gagné deux Coupes Stanley, c'est parce que Mario Lemieux, ça remonte à Mario Lemieux. Donc, c'est mon équipe, c'est ma deuxième équipe. Toi, as-tu une équipe en particulier que t'aimerais suivre? Moi, j'aimerais ça que le Colorado soit là. Ben oui, On pour puisse cette suivre fois-ci, McKinnon puis puis Girard, Drouin, ouais. hein? Ce serait le fun pour ça. Deux, j'ai hâte de voir les Leafs de Toronto, pour une raison. Toronto, c'est une équipe jeune, avec très peu de vétérans, quelques-uns minimum, mais c'est tous des jeunes joueurs. Et j'ai hâte de voir comment Anderson va se comporter en série. C'est le point d'interrogation chez les Leafs. Moi, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de talent, une équipe qui est bien nantie à bien des endroits, sauf que le poste de gardien de but toujours un Ben élément ouais. clé en série éliminatoire. Puis, jusqu'actuellement, ben, on ne peut pas dire que nécessairement qu'Anderson est supérieur aux autres ou inférieur. On n'a pas eu vraiment de sa part à lui de super performance. Moi, j'ai des doutes un peu sur la performance de leur gardien de but. Mais écoutez, c'est difficile pour une raison, c'est que c'est sûr qu'on a toujours le Canadien qu'on est habitué de voir. Pittsburgh, il y a toujours de l'intérêt parce que Crosby est là, Malkin, puis le temps. Donc, il y a plusieurs bons jeunes joueurs qui sont là. Puis c'est une équipe qui pourrait remporter une troisième Coupe Stanley, je ne sais pas, dans quelques années. Ce sera à voir. Mais écoutez, je vous avoue honnêtement, on a moins d'intérêt que les années antérieures parce que le Canadien Ben, n'est c'est pas normal. là. C'est normal. Deux, il y a toujours Piqué Souben que nous, on surveille de près puis qui ont une très, très bonne équipe. On pourra surveiller également comment Las Vegas, qui s'est comporté de façon extraordinaire durant la saison, qui a surpris tout le monde. En série éliminatoire, est-ce qu'ils vont être capables de répéter les mêmes performances avec des joueurs qui sont quand même des joueurs qui étaient laissés de côté par les autres formations? C'est tous les points d'interrogation qu'on va surveiller de près pendant les séries éliminatoires. Phil, qu'est-ce que ça t'attend lundi au bilan? Ben, il y en a déjà fait un il y a 3 semaines, 1 mois, parce que quand ça criait, on ne pourra pas dire grand-chose. Il va espérer que ce qui est arrivé au Saguenay, que le Boulier les avantages, puis qu'il puisse repêcher premier ou deuxième, surtout premier, parce que Dahlin, tout le monde est unanime à dire que c'est un joueur surdoué Ouais. comme défenseur, ce que le Canadien aurait besoin pour les prochaines années. Mais écoutez, Bergevin ne peut pas rien inventer. Il dit qu'il y a un plan, il n'est pas obligé de nous le révéler. Hier soir, il y a un chroniqueur qui disait que éliminons tous les joueurs du Canadien qui n'étaient pas là hier, là. Et avec la masse salariale qu'il y avait sur la glace hier, le Canadien aurait 40 millions de possibilités de signer des joueurs. Mais là, il faut que tu respectes les contrats ben oui, de Weber, maturity des joueurs qui ne sont pas là actuellement. Mais ça demeure que le Canadien... écoutez, moi, je pense qu'ils vont être actifs sur le joueur des joueurs autonomes. Est-ce qu'ils vont être capables d'en signer un ou deux? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils vont faire une grande transaction? Bergevin est dans une situation où il doit bouger. Oui, c'est clair. C'est sûr. Oui, c'est clair. Et deux, il y a un choix de premier rang, 3 choix de 2. Il est obligé de repêcher tous ces joueurs-là parce que les gens s'attendent à des résultats rapides. C'est maintenant. T'sais, demain matin, le Canadien repêche 4 bons jeunes joueurs. Tout le monde va dire, ah, c'est extraordinaire, les 4 bons jeunes joueurs. Mais le problème, là, les résultats ne seront pas là dans 3-4 ans. Et Ben, moi. 4 ans, est-ce que Bergevin est capable de survivre à tout ça? Moi, je pense que non. Ben moi j'aimerais ça qu'ils repêcheraient parce qu'à un moment donné, on n'a rien des réseaux de filières, on n'a absolument rien. Là. Non, mais Danny, t'as tout à fait raison. Sauf qu'à Montréal, ah, c'est pas comme à des endroits, t'es obligé de gagner chaque année pour que tu fasses les séries chaque année. Tu peux pas te permettre de dire ma bâtisse ça va prendre 5 ans. Malheureusement, c'est pas le cas. Est-ce que Jeff Monson a donné ce mandat-là à Bergevin et il a dit écoute, quand tu n'as pas la tête, ta job est là, t'es un contrat à long terme, je vais te supporter là-dedans. Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas se permettre ça à Montréal. C'est un drame actuellement que le Canadien ne soit pas en série éliminatoire, là. C'est un drame pour tout le monde. Ben, c'est plate pour les restaurateurs, c'est plate pour les commerçants, oui. Les médias, les droits de TV, tout, là. OK. Que, ces gens-là rapportent énormément à ces gens-là. Quand ils ne sont pas là, le Canadien n'est pas là, Ouais, mais ça. Ça va pas bien, là. Ouais, mais ça fait 25 ans que ce club-là tourne en rond, hein, tu sais. Justement, il y en a cette philosophie-là. Ça fait 7 ans. En 7 ans, 3 fois, on n'a pas fait les séries, Phil. On n'a rien en relève. On n'a rien dans le réseau de filiales. Là-dessus, mais... Tu sais, ça m'a donné... À Montréal, c'est pas une place où, comme à Caroline, où on dit on va bâtir pendant 4 ans. À Edmonton, là, ça commence à crier, là. Mm. C'est 4 ans qu'ils bâtissent, c'est 4 ans qu'ils repèrent premier, puis tout, là. Ben, ça, c'est quand même pas encore les séries. C'est compréhensible. Ça, c'est très compréhensible que ça crie, parce que les Oilers ont. Mais le Canadien, ça n'a pas été le cas, là. Hey, en terminant, les frères Sedin, tu retiens quoi? C'était le dernier match, un match magique hier. Je parlais avec Cendrix Bouchard, qui était longtemps correspondant RDI. Il était longtemps là-bas, oui. Oui, puis. Puis il me disait qu'hier, que. Les frères Sedin, c'est une icône avant quoi. Puis regarde les records, là. Ils sont tous là. C'est eux qui les possèdent, hein? Moi, ce que je trouve merveilleux, ils ont joué toute leur carrière là-bas. Ouais. Ils ont été les leaders de sa formation tout le temps. Oui, les gens vont dire qu'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley. Oui, c'est vrai. Il y a un club qui en gagne sur 30. Donc, faut être réaliste aussi. Mais quand je regarde ça, ils ont toujours donné à Vancouver ce qu'ils s'attendaient d'eux. Ils se sont présentés à chaque année en donnant le maximum. Et ils terminent leur carrière pas dans dèche, là. Non. Encore comme des joueurs qui performent encore. Donc, moi, je trouve que les autres, ils avaient dit, nous, quand on va prendre la retraite, on va le faire ensemble. Ils ont 37 ans, ils pensent qu'ils n'ont assez fait, puis ils s'en vont vers d'autres choses. Donc, moi, écoutez, je pense que les gens de Vancouver ont été gâtés d'avoir des gens et des joueurs de hockey de cette qualité-là, puis qui ont toujours été présents pour les gens de la place. Hey, ça libère de la masse salariale, hein? C'est incroyable. Oui, c'est sûr, ça va libérer de la masse salariale. C'est pour ça que la course aux joueurs autonomes cette année, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va donner. Ouais. Il y a une couple de bons joueurs de disponibles, et il y a des équipes qui ont de l'argent à dépenser, puis il y a des équipes qui doivent boucher des trous. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ça va se faire de ce côté. Phil, on s'en reparle vendredi prochain. C'est le commentaire de Philippe.